Sur Jelly Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. La première. Il est 16h. Votre journal, Marie Bourguignon, bonjour. Bonjour à tous. Une rencontre entre le Premier ministre Charles Michel et les syndicats d'ING, elle débute en ce moment. Une réunion qui fait suite à la terrible annonce de ce matin. 3518 emplois vont passer à la trappe en Belgique. La moitié des agences bancaires d'ING vont être fermées. Et après l'annonce de ces licenciements, les premières réactions parmi le personnel et les anciens. Danielle Van Opstal est prépensionnée. Elle est entrée à la BBL à l'âge de 20 ans. Âgée de 55 ans, elle a vu l'évolution inéluctable après la reprise par ING. D'abord, quand ils sont arrivés, ING, ils ont dit « BBL, vous garderez votre nom ». Ça a duré longtemps, hein. Je crois 5 ans, et puis on est devenu ING. J'allais dire, c'est pas catastrophique, mais quand même, BBL, c'était nous, hein, la Belgique. Et puis, ils ont envoyé des tas de choses là-bas. Il y a même des collègues qui sont partis en Hollande, pas beaucoup, mais enfin, il y en a quand même qui sont partis. Et puis, les réunions ont commencé à se faire en anglais. Enfin, c'est des changements, et puis... Et puis on a commencé tout doucement à supprimer des postes tout doucement qui rapportaient pas beaucoup d'argent mais qui aidaient les autres services. Je savais qu'il allait y avoir des restrictions mais pas autant, pas autant. C'est horrible. Franchement, en Belgique, c'est épouvantable hein, ce qui se passe. Une interview de Patrick Michel. Le Premier ministre Charles Michel a déclaré ce matin qu'il voulait que la procédure Renault soit mise en place. Tout doit être fait pour limiter les licenciements, a-t-il déclaré. De leur côté, les syndicats évoquent un terrible choc. Ils ont annoncé la tenue d'une grève ce vendredi. Et depuis l'annonce ce matin, des réactions se font entendre de toutes parts. Le PS réclame des sanctions pour ce qu'il appelle les licenciements boursiers, le fait qu'une entreprise qui fait du profit licencie. Du côté des Verts, on appelle le Premier ministre à ouvrir les yeux et mettre au pas le secteur bancaire qui détruit l'emploi. Écolo souhaite changer de modèle économique avec de nouveaux types d'emplois pour l'avenir. Écoutez la coprésidente d'Écolo, Zakia Khattabi, au micro de Fabien Van Eekhout. Il est temps que Charles Michel ouvre ses yeux, qu'il comprenne que ces grands groupes n'ont pas vocation ni à créer de l'emploi, ni à le protéger. C'est aux politiques à le faire et donc c'est à lui à les mettre au pas et à mettre sur la table des propositions pour le faire. Les écologistes mettent sur la table des propositions qui permettent de protéger le travailleur, de redéployer notre économie et aussi de recadrer et de réguler le système. Il faut accepter de reconnaître que le vieux monde est mort et de commencer à penser au nouveau monde. Et on n'est pas dedans. Les partis traditionnels du MR au CDH, au PS restent dans le vieux modèle. Il est temps d'anticiper et de préparer les emplois du futur, notamment tous les emplois liés à la transition énergétique, aux services, aux personnes. C'est vraiment un nouveau monde qui se prépare où, en effet, on met au pas la finance au profit d'un projet qui permet aux individus de s'épanouir et de vivre ensemble dans un contexte qui serait totalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, l'actualité judiciaire et cette dernière ligne droite à la cour d'assises de Mons. La cour a entendu tous les témoins dans le cadre du procès de Bernard Westphal. Les plaidoiries des avocats et de la partie civile débuteront demain matin. Après-midi, l'avocat général présentera son réquisitoire. La défense pourrait commencer à plaider dans la foulée. À l'étranger, une femme élue pour la première fois à la tête de l'État en Estonie. Kersti Keljulad a été choisie ce lundi par le Parlement estonien pour le poste de présidente de la République. Il s'agit d'une ancienne membre de la Cour des comptes européenne. On connaît le nom du prix Nobel de médecine. C'est le biologiste japonais Yoshinori Usomi qui a reçu cette récompense prestigieuse ce matin à Stockholm. L'homme est récompensé pour ses recherches sur l'autophagie, des recherches cruciales pour comprendre notamment le renouvellement des cellules. Et puis plus de 2600 migrants ont été secourus au large de la Libye ce matin. C'est ce qu'ont annoncé les gardes-côtes italiens. Rappelons que c'est aujourd'hui que l'Italie commémore le troisième anniversaire du naufrage de Lampedusa, un naufrage qui avait coûté la vie à 366 personnes. Voilà qui marque la fin de ces infos. Très bel après-midi. Toute l'info est sur rtbf.be. Et la suite, c'est presque sérieux avec vous, Walid et votre équipe. Merci Marie, retour dans l'information tout à l'heure à 16h30 avec vous. D'ici là, vous l'avez compris, pour ce début de semaine, nous sommes presque sérieux, soyez les bienvenus. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. L'Autriche est un pays rassurant, n'en déplaise à Louis Michel. Hein. C'est vrai, quoi. Un exemple ? Un exemple. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, c'est la pub. C'est ça. Non, merci. L'Amnesty International a fait des recherches. Vous faites quoi là pour le moment, Valérie ? Dites-moi tout. C'était un bonbon, mais voilà. C'est un exemple, c'est comme la nouvelle mode du « j'ai envie de dire ». Mais dis-le, fieu alors ! J'ai envie de dire « beau temps pour la saison ». Eh ben alors, tu le dis ! Nicolas Sarkozy qui se confie à Karine Le Marchand. Rien que ça, ça vaut déjà... Rien que ça vaut son pesant en cacahuète. Soit vous faites officiel, monsieur le président, soit vous faites Nicolas. Mais monsieur Sarkozy, je trouve que c'est un compromis un peu bâtard. C'est Nicolas ou président ? Oh bon, Nicolas. Sarkozy, ça fait un peu bâtard. Vous imaginez. Deuxième titre, Théo Franken, qu'on présente dans la commune de Couillé comme l'ex-amant de Rudy Demotte, a partagé une chambre située au parc animalier de Péridaïsa avec Pardeweaver. Et au téléphone, nous avons Eric. Eric, 45 ans, de Moustier-sur-Sambre. Eric, je vous pose la question sans détour. Edgar Westphal, coupable ou innocent ? Écoutez, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Ah, alors vous me dites qu'il est coupable, Eric. C'est ce que je peux noter sur ma feuille à 10h60. Edgar Westphal a bien tué. Mais non. Quoi ? Non, il est coupable ou non, il n'est pas innocent ? Je rappelle quand même qu'il a un QI de 83, Eric. Il a un QI de 83. Mais quoi ? Mais non ! Merci pour votre appel, Eric, de mon sur ma chaîne. Je résume donc la pensée d'Eric. Pour lui, Edgar Westphal est un monstre sanguinaire. Il a des origines musulmanes et il faut réinstaurer la peine de mort. C'est ce que nous tentons d'analyser en compagnie de deux experts. Pierre-Henri Copier-Collet, journaliste responsable. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Un groupe chinois vient de racheter le plus grand parc éolien de Belgique situé à Eysines. Ah oui, on imagine déjà la chanson du slogan de l'empiriste du milieu. Les gens m'appellent l'éole des jaunes. Et justement, tant que le réel n'est pas encore jaune, ils vont vous faire profiter de leur chronique. Vos beaux esprits du jour aujourd'hui. Tiens, si un chinois essaye de mettre la main sur le plus grand générateur de jeux de mots du pays, eh bien on lui sortira notre brillant leitmotiv. Oui, compte Lao Tzu. Compte Lao Tzu. Et bois de l'eau claire. Et bois de l'eau claire aussi. Mickaël Elbaz est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour Walid, bonjour à tous. L'info, quand elle est mauvaise, il ne peut pas la saquer. C'est Edgar Schott. Ouais, bonjour. Ouais. Vous allez bien, Edgar ? Mais fort bien, et vous-même. Ces chroniques relèvent du casse-tête chinois. Il sera avec nous dans un instant. Le temps pour lui d'imprimer ses 298 pages. C'est notre Corentin Candier national. Tiens, heureusement pour lui, la Belgique n'est pas encore comme la Chine, le pays de l'histoire unique. Vincent Flibustier, bonjour. Bonjour tout le monde. En 35 ans à la RTBF, il n'a pas pris une bride. C'est Raoul Reyes, bonjour. 32 ans. Ouais, bah, on vieillissait presque... toujours. Ouais. C'est pour arriver plus vite à la retraite, Raoul. Ah, dites. Oui, parlons-en. Dites-moi. Oui. 40 ans. Tiens, quand on est dans leur régie, ils sont à la baguette de cette émission. Carole Baquet à la préparation et Daniel Tchèque à la réalisation. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est avec vous que nous en rions. Merci à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour. Presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Ravi de passer ces 90 prochaines minutes avec vous sur la première. Nous allons relater l'actualité de ce 3 octobre avec, un mariage entre deux nonnes italiennes. On en parlera avec Mickaël Elbaz dans un instant. Un peu de changement. On parlera du retour de Joël Milquet. Enfin, un peu de changement aussi. Voilà. Et on parlera d'une autre catastrophe du jour, celle de d'ING avec Edgar Schott. Et Corentin Candy, il aura 69 minutes de retard, c'est ça ? Je ne sais pas, on verra ça dans un instant. On va s'intéresser à l'actualité, toute l'actualité avec, bien entendu, votre agence de presque. On aura droit à un retitrage de l'information. On reviendra justement sur le retour de Joël Milquet. Vous pouvez le faire sur la page Facebook, retitrer cette information. Milquet qui, sur son inculpation, déclare, deux points, ouvrez les guillemets, je trouve que cette phrase est magnifique. Le juge a voulu se faire une ministre avant de partir. Voilà. Je trouve que même Jackie et Michel pourraient pas trouver un titre de film comme celui-là. Charles Michel se vante quand même. Non, Jackie et Michel. Ah, oui, Charles Michel, pardon. Mais ça peut fonctionner aussi. Ah, d'accord. Donc n'hésitez pas à retitrer cette information, un titre qui, selon vous, mérite d'être mis en avant aujourd'hui, c'est celui-là. Et on vous offrira des cadeaux aujourd'hui pour le qui a dit du jour. On vous offre Time's Up, la version family, avec de nouveaux mots à deviner à l'intérieur dans des boîtes totalement relookées, plus compactées et super solides. Deux exemplaires également à gagner sur notre page Facebook et la phrase du jour. Le qui a dit, qui aurait pu dire, il attend la révolution. Ah, il attend la révolution, à vous de le déterminer. On vous fera bien entendu des propositions. Vous vous inscrivez en envoyant ces trois lettres, CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On attend plus que vous. Pas mal de bonnes choses avec le jour dans l'histoire, les histoires de Vincent Flibustier, les informations de 16h30. Mais avant cela, eh bien parlons d'informations. La une du jour, la voici tout de suite à 16h10 sur la première. Une info en chiffres, écoutez attentivement, on fait tourner notre fameuse roulette, des chiffres derrière, et à vous de déterminer, eh bien, d'après ces chiffres, de quelle actualité il pourrait s'agir. Écoutez. Des chiffres sans lettres. 6. Ah, 6. Est-ce que vous avez entendu une info avec le chiffre 6 à l'intérieur? Ou lu une info avec le chiffre 6 à l'intérieur? Est-ce que c'est juste 6 ou ça pourrait être 106? Je sais que dans les résultats du loto, il y avait 6. Il y avait 6. Ouais, non, ce n'est pas. C'est vraiment 6. C'est vraiment 6. Ouais, c'est pas 6000. Non, c'est pas 6000, c'est 6. 6 emplois sauvés chez Yann. Non, c'est pas 6 emplois. C'est le nombre de retours de Joël Milquet. Alors, c'est 6e pour être plus précis. C'est un classement de la Belgique et un classement. Ah, non, c'est pas un classement pour la Belgique, non. C'est sportif ? Ça se passe en Belgique. Ça se passe en Belgique, oui. Est-ce que c'est sportif ? Et c'est aujourd'hui d'ailleurs. C'est aujourd'hui. Ah, c'est fait d'ailleurs. Alors, c'est pas le gars qui aurait fini 6e pour être prix Nobel de médecine ? Non, c'est pas ça, mais on parle de la Belgique et on parle de ce 6e rendez-vous. Mais de quel rendez-vous il s'agit ? Un rendez-vous qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Le 6e retour de Joël Milquet. Et voilà l'indice. Voilà, alors, c'est le marathon flash, comme ça. Effectivement, la 6e édition du Flash Marathon. Flash Marathon. Je trouve que c'est génial. Bienvenue, c'est le Flash Marathon, c'est parti. Le 6e rendez-vous qui a lieu donc aujourd'hui sur les routes belges, un petit peu partout. L'actualité, toute la presse qui nous en parle, un important Flash Marathon donc a lieu aujourd'hui depuis 6h du matin. Et pendant 24 heures, des contrôles de vitesse sont organisés sur les routes belges. La police qui a donc donné ce coup d'envoi de cette 6e édition. Alors faites attention, levez le pied si vous êtes sur la route, vous avez repris le chemin de la maison, vous voulez vite arriver chez vous pour préparer à manger, bah, levez le pied, puisque pas mal de contrôles ont lieu pour le moment, et durant 24 heures. Hein, donc voilà. Donc ils vont bosser pendant 24 heures. Alors l'objectif en tout cas est d'améliorer la sécurité sur les routes et de réduire le nombre de victimes causées par des accidents, des contrôles qui seront ainsi réalisés à l'aide de radars fixes et mobiles. C'est ce que souligne la police qui attend donc de cette action un changement du comportement des automobilistes et une diminution du nombre d'accidents et donc forcément de victimes. Et la police espère, mais je pense qu'à cette heure-ci, ils espèrent plus grand-chose puisque, voilà. Puisque ça a déjà flashé, ils espèrent 24 heures sans flash. Moi je crois que surtout qu'ils espèrent récupérer beaucoup d'amendes. C'est vrai. Et alors, c'est lors de la précédente action, la 5e édition du Flash Marathon, plus de 6% des conducteurs contrôlés étaient en infraction. Donc voilà. Faites attention, on vous aura prévenu, levez le pied, attention, deuxième info, deuxième roulette, deuxième chiffre, et derrière ce chiffre se cache une actualité. Mais quelle est-elle cette info ? Écoutez, le chiffre du jour. 4. 4. J'aurais aimé que ce soit le nombre de minutes de retard de Corentin Candy, mais... Alors, 4. C'est une semaine de 4 jours. Alors, une semaine de 4 jours, soyez plus précis. Oh, c'est Monsieur Di Rupo qui propose la semaine de 4 jours. On peut rien cacher à Michael Albaz. Je ne veux rien dire, mais ce n'est pas un précurseur. Alors, voilà, déjà beaucoup qui l'ont Le PS avant. Qui organisait son congrès de rentrée a soigné le président du Parti Socialiste, Elio Di Rupo, a plaidé donc hier pour l'insertion dans le droit belge d'une nouvelle forme d'entreprise. Une entreprise à codécision qui accorde autant de pouvoir aux travailleurs qu'aux actionnaires, c'est ce qu'il a expliqué. D'une part, des alternatives au capitalisme, et puis surtout cette proposition, une semaine de 4 jours ce dernier, donc Elio Di Rupo, a mis une nouvelle fois et a plaidé une nouvelle fois pour la réduction du temps de travail via la mise en place de cette semaine de 4 jours sans perte de salaire pour le travailleur et avec embauche compensatoire. Monsieur Di Rupo, avant d'affirmer bien que son parti démontrerait là où il exerce les responsabilités, bien la pertinence et la viabilité de cette idée d'avenir. Une idée d'avenir, donc la semaine à 4 jours. Moi je suis pour. Dommage qu'il n'ait jamais été au pouvoir quand même. Oui, c'est mais ça. Alors, on va mettre qu'il imaginons. Vendredi. Oui, imaginons. Semaine des 4 jours. Et vous, qu'est-ce que vous faites le vendredi ? Vous enregistrez le 4e jour ? Mais ça ne concerne malheureusement pas. Mais ça pourrait être une bonne alternative, une semaine de 4 jours avec. Bien sûr, évidemment. Ils vont essayer dans les administrations. Ben on va. Oui, ça a déjà commencé depuis un moment. Ils sont à la semaine de 1 jour. C'est la semaine de 4 heures là-bas. Oui, c'est ça. Mais enfin, dernière info, dernier chiffre à cette roulette que nous actionnons une dernière fois ce lundi. Écoutez, quel est le chiffre du jour ? 8. De quoi s'agit-il ? Alors. Grand 8. 8. Petit chiffre aujourd'hui. Alors 8, oui, c'est du petit chiffre, on a fait tourner la roue. 4, 6, 8. De quoi s'agit-il ? 8, c'est une question de pourcent. 8%. Alors. 8% des Japonais ont gagné le prix Nobel. Alors, écoute attentivement le morceau qui illustre cette information. 8%. La philosophie. Alors, 8% des gens n'en ont rien à faire de Bernard Henry. Non, et ce, ben on n'est pas très loin. 8% des gens ne savent pas qui est Amel Bent. Ne savent pas ce qu'est la philosophie. Non, c'est aujourd'hui que ça entre en vigueur. Et ce chiffre est en lien. Ah oui, c'est, ben c'est le cours de rien. De, effectivement. De citoyenneté. Et près de 8% des élèves ont opté pour le cours de philo et de citoyenneté. Il ne faut pas dire que 8%, plutôt près d'eux, ça fait comme si c'était quand même beaucoup. Ah oui, mais c'est mais rien près du tout. De, c'est que, terrible. Alors on va dire que 8%. Il fait donc son apparition aujourd'hui dans le primaire. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté donc fait son apparition dans le primaire. Elle sera donnée à raison de 1 heure par semaine. Et comme dans les administrations. Oui. Et d'après le relevé opéré par son pouvoir organisateur, eh bien, l'enseignement communal signale que la dispense est réclamée par 8% des élèves. Chiffre définitif ici au début de ce mois d'octobre. Le primaire qui traverse donc une période de chaos avec cette introduction de l'éducation à la philosophie et la citoyenneté. À voir. À voir. À voir. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Moi, j'ai hâte de voir ce que mon fils va me dire cette semaine. Alors, papa, je peux te dire que le cours de religion, c'est fini, on a un cours de philo. On a joué avec Descartes. Et qu'est-ce qu'il va dire puisqu'il a le même prof? Ben, c'est exactement ce que Michael Elbaz vient de dire. On a joué avec Descartes. Voilà, c'est exactement ça. Et il arrive juste au bon moment. Alors, j'avais la réponse de ma voiture pour le marathon flash. Oui. Pour une fois que je sais répondre. Ah, ben, écoutez, il est sympa, il nous écoute. Eh ben, ça tombe bien, Corentin Candy, vous êtes là, ce sera à vous. Ah. Non, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vous fais plaisir. On va vous laisser reprendre vos esprits. Nous, on s'intéresse à vous et à l'actualité du jour. En ce 3 octobre, où vous soyez, venez jouer avec nous et tentez de repartir avec Time's Up, la version family. Franchement, c'est le jeu du moment. Repo Production qui vous offre ce jeu. La maison d'édition belge de jeux de société vous offre avec la première, le roi du jeu d'ambiance, Time's Up Family. N'hésitez pas, vous vous inscrivez en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse des jeux qui sont également à gagner sur la page Facebook de l'émission. Et le qui a dit du jour, le voici, qui aurait pu dire, et c'est avec cette phrase que nous jouerons avec vous, l'un ou l'une d'entre vous dans un instant, qui aurait pu dire, il attend la révolution. Qui aurait pu prononcer cette phrase? En attendant, révolution, oui, car nous en parlons tout de suite avec Michael Elbaz. Ah, oui. Le mariage entre deux nonnes italiennes, c'est tout de suite sur la première. Témoin du marié, je connais Michel depuis longtemps, bien avant qu'il ne devienne hétéro. Souris Michel, après tout, le mariage est un jour gay. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Joe, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il rigole? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. La première et la 3 présentent. Ils se cognent comme des insectes aux vitres de leur existence. Vanya. Un Tchekhov drôle et fougueux mis en scène par Christophe Sermet. Prix de la critique 2015, meilleur spectacle. Au Rideau jusqu'au 15 octobre. Info, rideaudebruxelles.be. Avec le soutien du journal Le Soir. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanet, c'est samedi 1er et lundi 3 octobre, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. Retrouvez la vie économique sur la première, chaque jour du lundi au samedi. L'économie nationale, internationale et la bourse, décryptée par les spécialistes. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales. Et c'est l'ingénieur Sarah qui va construire le plus long pont du monde, pour tous les trains. Ingénieur au chemin de fer. Hier, ton rêve, aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong, tong, tong, j'ai presque fini. Mobile Info. 16h19, il flash, en tout cas, c'est son surnom, c'est Pierre Collard-Bovy. Vous allez bien, mon Pierre? Oui, je vais très bien, et vous-même? Flash, Pierre, que se passe-t-il sur nos routes? Eh bien, quelques ralentissements sur le ring de Bruxelles, notamment en intérieur entre Grand Bigard et Zaventem, où étaient 16 minutes supplémentaires, et plus 13 minutes pour l'extérieur Zaventem. Grand Bigard, des ralentissements dus à des travaux sur le ring 9, le petit ring de Charleroi donc. La 503 vers le ring 9 de Charleroi est d'ailleurs ferme à la circulation, ce qui engendre de gros embarras de circulation dans le coin. Un accident impliquant plusieurs camions sur la N639 Angy-Roteux à hauteur de Neuville-en-Condrol. La chaussée est fermée, des déviations locales sont mises en place. Et puis des déchets de pneus sur la 12 envers Bruxelles à hauteur de Metz. La voie centrale est encombrée en direction de Bruxelles. Et puis vous perdez 40 minutes sur le 17 Gand-Lille à partir de Halbeek en direction de la France. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Et l'actualité de ce 3 octobre que nous remettons bien sur le tapis, mais avec un regard différent, pertinent, parfois drôle. Mettez pas du tout la pression là. Non, je ne voulais pas la pression. Et une phrase avec laquelle nous jouerons dans un instant qui aurait pu dire « Il attend la révolution ». Nous vous offrons Time's Up, la version Family, en vous inscrivant d'ores et déjà, en envoyant donc ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On parle de l'actualité de ce lundi avec une bonne sœur qui se marie. Bon, ça c'est rare, hein. Deux bonnes sœurs qui se marient. Oui, c'est ça, hein. C'est très rare, mais quand deux bonnes sœurs se marient entre elles, alors là, ça vaut bien une chronique, n'est-ce pas, Mickaël Albas? Oui, Nord Presse, Joël Milquet, c'était le week-end des résurrections. Hein. De là à dire que Simone Veil, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas après mûre réflexion. Non, si je vous parle de résurrection, c'est parce que mal réveillé dimanche matin, je suis tombé sur cet article au titre évocateur « Lennon se marie en Italie ». Quel choc, me suis-je dit. À peine remis de la nouvelle du divorce de Brad et Angelina, voilà que la planète People nous fait subir un autre drame. Mais le choc fut encore plus grand en lisant l'article. Oui, parce qu'il y a encore des sites d'information qui ne se contentent pas d'écrire seulement un titre avec un jeu de mots tout pourri, genre « Donna se meurt ». On y apprend qu'on ne parle pas des noces d'un chanteur mort, mais de celles de bonnes sœurs. Non, pas comme sœur Paul McCartney, des religieuses. Autant vous dire qu'en apprenant la nouvelle, on n'imagine pas les autres sœurs sourire. Et pensez deux secondes à la tête des intégristes catholiques, hashtag mort de Christine Boutin. Imaginez le coup que ces tristes Syracuse. On savait que l'église catholique était opposée au mariage des religieux, mais alors au mariage des religieux entre eux, là c'est carrément de la science-fiction. C'est pas crédible, comme la semaine de 4 jours de Saint-Élio, qui est juste une promesse qui tiendra la semaine des 4 jeudis. Même sœur-thérèse.com n'avait jamais osé un tel scénario, peut-être parce que ça aurait créé des tensions avec Joséphine Ange Gardien. Non, c'est vrai que le pape a dit « les règles de l'église, il faut les prendre au mot ». Mais bon, tout de même, au Vatican, on prie pour que ça ne devienne pas une mode, hein, car ce n'est peut-être pas un cas isolé. Après tout, le soir, dans les couvents, Dieu sait ce qu'elle baragouine. Pour résumer les choses, remettre l'église... Qu'est-ce qu'on vous a fait, Mickaël? Et donc pour résumer les choses, remettre l'église au milieu du virage, Federica, une Italienne, a donc épousé Isabelle la Catholique, une Colombienne, ce qui a provoqué un beau gros tas d'articles. On nous parle de leur rencontre il y a 3 ans dans un centre de désintoxication en Afrique, et à ce moment-là, personne n'y voit rien. Il n'empêche que c'est lors de cette visite en désintox que Federica est devenue accro à la Colombienne. Oui, jusqu'ici, on peut se réjouir d'avoir entendu peu de réactions de réactionnaires. En Italie, on botte en touche, preuve que dans tous les domaines, l'Église a 1000 ans de retard. On les entend pourtant déjà dire qu'on n'aurait pas vu ça du temps de Berlusconi, qu'il les aurait ramenés à la raison par la peau du cou. Enfin, lui est tellement tiré qu'il ne sait probablement plus où se trouve le sien. Lui qui est aussi maquillé qu'un compte de campagne de Nicolas Sarkozy. On a rarement vu un conservateur aussi bien conservé. Hein. C'est plus Don Corleone, c'est Don Dorgan. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. Yoko Ono est soulagée. On pourra encore l'appeler John Lennon. Et elle pourra continuer à sortir des disques posthumes pour toucher plus de fans. Enfin, surtout toucher plus de droits d'auteur. Hein. C'est là qu'on voit que c'est pratique un chanteur mort. Hein. Au moins, quand il sort un album, on ne doit pas se farcir sa promo chez Drucker. Sauf bien sûr si le chanteur mort est repris par N. Pokora. Oui, pauvre Clo-Clo. Mais bon, quand avec les héritiers le courant passe, on ne peut rien y faire. Le plus terrible, c'est qu'à force de danser comme ça, il va se faire des ampoules. Et ça risque de le griller dans le métier. Pour finir, je tiens quand même à m'adresser aux réacs qui sont en train d'écrire à la direction. Je vous rappelle quand même que le pape porte une robe et que Jésus était suivi par 12 mecs en permanence. Alors en termes de normalité, selon notre père le Seigneur, on repassera. Et puis les temps changent. Pour une fois, les nonnes sont des stars. Rien à voir avec Ringo, ni avec Sheila d'ailleurs, même si Sheila lutte du potter contre le pot de fer et que Harrison la modernité. Elles montrent la voie et méritent de profiter du fruit de leur dure lutte. Finalement, la morale de cette histoire, surtout pour les nonnes, c'est « All you need is love ». Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ça, c'est ouais, une belle chute. C'est bien rempli. Hein. Effectivement, une belle petite chute. Moi, je trouve que le catholicisme, tu le laisses bien. Ah, oui. Joli. Ouais, c'est beau. Merci, mon petit Michael Albaz. Merci à vous. Et dans la suite, bien, c'est Raoul Reyers qui va justement accomplir sa tâche au quotidien, celle de nous proposer sa petite chronique. C'est parti. Ça fait du bien. L'actualité a été féconde, riche pour vous, Raoul. Vous avez relevé pour nous l'une ou l'autre chose, dites-nous tout. Un peu de tout, comme le fromage belge. Mmh. Eh bien, quel talent il a, notre ami Donald Trump. Hein. Ah oui. Il sait tout fait. Il avait déjà fait des pubs de haut vol pour McDonald's et pour Pizza Hut et même Oreo. Vous voyez ce que c'est? Ah oui, les chocolats. C'est un biscuit noir. Donc il n'est pas si raciste que ça. Non, c'est vrai, finalement. Et il a fait de la comédie de qualité aussi. Je vous lis le pitch de son œuvre. Oui. Un soir, chez le coiffeur. De la découverte des délices dans un bain chaud et savonneux à leur délectation dans un nightclub exclusif, Carole et Darlene dévoilent leur sex-appeal et vous emmènent dans un voyage sensuel rempli de découvertes. Et c'est après cette phrase promo pour un film... Olé olé. Soft porno, dirait-on. Mexicain. Les boys joués par... Jouer. Il a quand même une phrase dans le film. Et il arrive quand les filles sortent de leur bain. Et bonjour, je suis le plombier. Et Donald a dit ça Mexique. Il ouvre une bouteille de champagne et il serre les filles en disant « La beauté, c'est la beauté. » C'est formidable. Donc, on a retrouvé une vieille cassette de lui en l'an 2000 qui jouait dans une vidéo Playboy. Il a déjà les cheveux jaunes, oui. Et il dit « La beauté, c'est la beauté. » Oui, mais en anglais. J'espère qu'Hillary Clinton lui ressortira. Alors, la beauté, c'est la beauté. Évidemment. Ah, ce serait drôle. Il y avait aussi eu des brettes avec une miss... J'ai l'impression que vous êtes dans une cave, Raoul. Oui, c'est bien. Vous connaissez Gâteau Barbieri? Non. Vous êtes à la cave, Raoul? Gâteau Barbieri, c'est un saxophoniste argentin exceptionnel. Je vous conseille d'écouter ses disques. C'est lui qu'on entend, là. Oui, évidemment. Ouais. Il a beaucoup de souffle. Et donc voilà, il avait déjà eu des brettes avec une Miss Univers. Oui, mais c'est du playback. Qui avait pris du poids. Ouais. Et donc, il l'avait traité de boudin, un truc comme ça. Et ça fait. Donald Trump et les femmes. Vous avez encore le temps? La beauté, c'est la beauté. Ah, mais non, on a plus non, le temps. Non, mais voilà, on a déjà rien. C'est pour ça que je tirais sur celle-ci, histoire de garder la suite pour qu'on demain. Soit raccord. Mais effectivement, vous faites bien. Merci à Raoul Reyers avec ce magnifique morceau joué au saxophone donc par votre ami argentin. Non, c'est pas mon ami, il est mort quand j'étais pas né. On s'informe à 16h30 avec Marie Bourguignon et on joue ensemble avec l'actualité de ce 3 octobre. Qui aurait pu dire, il attend la révolution. Vous inscrivez encore, il vous reste une minute pour vous inscrire. CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Marque une pause et on revient tout de suite. La première et la trois présentent une bande d'amis, la trentaine, vont pique-niquer en forêt. Ils passent la nuit à la belle étoile. Quand l'incendie éclate, tout bascule. Une œuvre saisissante, une poésie d'une beauté inouïe. Tristesse, animal noir, une création incendiaire de Georges Ligny. Du 6 au 15 octobre, au Théâtre Jean Villard. Avec la Libre Belgique, l'avenir est TVcom. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Du 3 au 22 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la plaque de plâtre 2,60 m, 2 bords amincis, épaisseur 9,5 mm, est à 2,39 € le mètre carré. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. 2,39 € le mètre carré, soit 3,73 € la plaque largeur 60 cm, 7,46 € largeur 120 cm. Come a casa. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a casa. Apportez un peu de chaleur. Quand je surfe sur Internet, ça va. Quand on surfe à deux, ça va un peu moins. Quand toute la famille s'y met, ça ne va plus du tout. Pour surfer à toute vitesse, même à plusieurs en même temps, profitez de l'Internet ultra rapide dans un trio Wahoo ou Tatou. Pour la rentrée, vous vous offre un laptop Acer d'une valeur de 479 euros. Un laptop Acer. Plus d'infos sur vous.be ou au 0800 825. Il s'en passe des choses chez vous. Offre soumise à condition. Bonjour chérie, t'as bien dormi? J'ai faim de ces rêves. Bah, raconte-moi. Bah, j'ai rêvé qu'on construisait notre maison. Oh, ça c'est plutôt un cauchemar. Ah non, non, non, on pouvait choisir tous les matériaux. La maison était construite selon nos plans, dans le respect de notre budget et des délais. Ah. Mais bon, c'était qu'un rêve, quoi. Passez du rêve à la réalité avec Sibomat. Optez pour une construction sur mesure, dans le respect de votre budget et des délais. Prenez contact dès aujourd'hui avec votre conseiller en construction sur sibomat.be. Sibomat, les bons plans font les bons amis. La première. 16h30. Votre journal, Marie Bourguignon, bonjour. Bonjour à tous, c'est le pire des scénarios qui se confirme. Plus de 3000 emplois vont passer à la trappe chez ING en Belgique. À l'échelle mondiale, la banque néerlandaise supprime 7000 postes au total. On a appris la nouvelle ce matin. En ce moment, le Premier ministre Charles Michel s'entretient avec les syndicats et les ministres présidents des entités fédérées. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de cette réunion durant les prochaines heures. Et ce soir, l'émission Soir Première, dans l'émission Soir Première, Arnaud Reuss reviendra bien sûr largement sur cette suppression massive d'emplois dans une émission spéciale. Il recevra comme invité l'économiste Éric de Keuneler. Puis les conséquences pour l'emploi de la digitalisation et de la numérisation seront également au programme de l'émission avec pour spécialiste Gérard Vallanduc, professeur à la faculté d'informatique à l'université de Namur et à l'UCL. Tout ça, c'est après votre émission Walid à partir de 17h30 dans Soir Première. Merci Marie, retour dans l'information par contre dans 29 minutes à 17h avec Diane Burgel-Vernet. Merci Marie. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30 avec Walid. C'est l'heure, c'est l'instant de jouer au Qui a dit avec une enseignante. Elle nous vient de Wavre, elle se prénomme Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. La semaine reprend tranquillement? Oh, tranquillement. J'ai un chouette horaire. Ah, vous avez un chouette qui vous permet déjà de nous écouter, c'est une bonne chose. Vous saluerez votre direction de notre part, d'ailleurs. Ouais. Ma chère Éléonore, nous jouons pour vous offrir Time's Up dans sa version family et pouvoir vous amuser avec vos enfants. Vous en avez? J'ai pas encore d'enfants. Ah, j'ai plein d'amis. Vous n'aimez pas les enfants? Eh bien, on va trouver le moyen de pouvoir en faire rapidement. c'est pas un souci. Bon, d'accord. Hein, c'est le Time's Up Family que nous offrons. Vous allez pouvoir, entre autres, jouer avec vos amis, bien entendu. Mais pour l'heure, il y a bien petite condition à remplir. Me dire qui aurait pu prononcer cette fameuse phrase. Qui aurait pu dire, Éléonore, il attend la révolution? Voici les propositions du jour, à commencer par Michael Albas. Eh bien, c'est Laurette Ankulings qui parlait, bien sûr, de Raoul et de Beau, un drôle de coco avec qui elle n'irait probablement pas boire un verre chez Guevara ou ailleurs. Voilà, Laurette Ankulings pour Michael Albas. Edgar Schotz. Pas du tout. C'est le pape Pie VII à propos de Galilée. Ah bon? Il y a bien longtemps. Oui, là, c'est... Il attend la révolution à propos de Galilée. Ah oui, c'est vrai, il attend la révolution. Ben, évidemment. Milquet est ressuscité, mais là... mais là, effectivement. Corentin Candy. Eh bien non, c'est le vicomte Étienne d'Avignon. Il parlait de Spielberg. Étienne d'Avignon, qui attend la révolution. Étienne d'Avignon pour Corentin Candy. Vincent Flibustier. Eh bien, c'est évidemment Nicolas Sarkozy qui affirme que Kadhafi avait voulu tout ça, voir son peuple se révolter, se faire neutraliser, tout ça, et uniquement pour nuire à Sarkozy après. Il attend la révolution. Il s'est quasiment suicidé, en fait, Kadhafi. Il attend la révolution. Juste pour l'embêter. Et enfin, Raoul Reyers. Eh bien, c'est Elio Di Rupo qui, dans un discours tonitruant au congrès de rentrée du PS à Soigny, écrit par les élèves de troisième langue de bois de l'école communale de Chérat-Hauteur, a hurlé à la foule, écoué, Charles Michel, il attend la révolution. C'est qui, tonitruant? Alors, Éléonore, il attend la révolution. Laurette Ankulings, Bissette, à propos de Galilée. Étienne d'Avignon, à propos de Spielberg. Nicolas Sarkozy, à propos de lui-même. Ou Elio Di Rupo. Ah, c'est pas évident, hein. Ah, alors, Pissette, c'est plausible, hein, mais bon... Ouais, dans l'actualité du jour. Ah non, bah non. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles. Étienne d'Avignon, je pense pas. D'accord. Il y a trop de mots. Et puis, il y a trop de travail avec la Lufthansa. Voilà, hein. Ouais. Elio Di Rupo. Bah, ça pourrait, hein, mais... Oui, mais il parle trop. Il parle trop. Mais... Puis il a le cœur qui saigne. On peut pas faire deux choses en même temps. Laurette Anquelin, j'ai pas bien compris, mais... C'est normal. C'est par rapport à Edebow, Raoul de son prénom. Vous voyez, Raoul. Qui attendrait donc la révolution, Raoul Edebow. Ok. Et Nicolas Sarkozy. Il parle trop aussi. Je crois que pour lui, la révolution est déjà passée. Ouais, c'est par rapport à Kadhafi. Et sa femme chante trop. Alors. Donc, ce serait... je sais pas. Laurette Anquelin. Vous diriez Laurette Anquelin. Pourquoi? Mais donc, il n'y en a aucun qui me parle, alors... Laurette Anquelin qui vous parle, là. Alors là, Laurette Anquelin... Vous entendez des voix? Laurette Anquelin, elle ne parle pas en règle générale. Il a boit. Elle crie. C'est ce qu'on dit. Mais en attendant, vous avez choisi Laurette Anquelin. Effectivement, oui. C'est Laurette Anquelin, puisque on l'a appris dans la presse la semaine dernière. Les sondages donnent le PTB troisième parti en Wallonie. Un résultat qui a vivement fait réagir la chef de file socialiste au Parlement fédéral. Quand Raoul Edebow dit qu'il peut monter au pouvoir dans 2 ans et changer les traités européens, il ment. Hassène Laurette Anquelin. Ce n'est pas possible et ça confirme qu'il a déjà dit avant 10 ans ou 15 ans, ne vous attendez pas à avoir le PTB au pouvoir, ce qui veut dire donc ils ne sont pas là pour protéger les gens et proposer une alternative, ils attendent la révolution, c'est ce qu'elle poursuit. Laurette Anquelin, c'est ce qu'on apprenait dans la presse du jour. C'est donc gagné pour vous, Éléonore. Vous repartez avec le Time's Up Family. Restez-nous fidèles, restez presque sérieuses et vous donnez cours de quoi du côté de Wavre ? Cours de rien. De sciences, dans quelle école ? Le collège Notre-Dame de Basse-Ouvre. C'est là où sont mes enfants. Un très grand collège. Non, c'est là où sont mes enfants. Ah oui, ils sont en primaire. Ouais, voilà. Quoi, ils acceptent les Arabes là-bas. Ouais, voilà. En quelle année vous donnez cours? En secondaire supérieur. En secondaire supérieur. Ça va, mon fils a du temps. Enfin, oui, voilà. Mais on se reverra, madame, très vite. C'est moi qui vous le dis. Je vous embrasse, Éléonore. À très vite. Oui, également. En attendant, on continue à s'intéresser à l'actualité du jour avec le professeur émérite Quentin Candy qui nous parle du retour de Joël Milquet. Pour voir si j'ai peut-être pris un thé, ce qui est complètement légal en septembre, imaginons, pour discuter de la stratégie de mon parti, ce qui est normal comme CDH. Et oui, Joël Milquet a annoncé en fanfare son grand retour 6 mois après sa démission, faisant suite donc à son inculpation pour prise illégale d'intérêt dans un dossier d'emploi fictif. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle ? Réponse tout de suite avec Corentin Candy, j'ai peur. Ah, mais très très bonne nouvelle. Non, il ne faut pas faire. Très bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Vous allez rentrer en fait dans les coulisses de la préparation du chronique. C'est la version de 13h17. Vous ne verrez pas le... La version Windows 8. Exactement. Donc, très très bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le retour de Milquet, c'est pour nous le retour de l'enfant prodigue. Soyons honnêtes, c'était devenu quasi impossible de travailler sérieusement depuis 6 mois. Alors quand elle a démissionné il y a 6 mois, elle nous a dit « je pose un acte noble ». Je me demande un peu ce que revenir après 6 mois, ça peut être, si partir était un acte noble. Joël Milquet revient, en tout cas, et la confrérie des billettistes, la confrérie des chroniqueurs, des commentateurs revit. On se congratule, on se tombe dans les bras, on pense à nouveau à recruter des centaines de collaborateurs. Joël Milquet revient ce matin, et une heure plus tard, ING supprime 3000 emplois. Mais sans Joël, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus. Alors on n'a plus vu depuis 6 mois, Milquet, mais c'est comme le rhume des foins. On l'oublie, puis ça revient. Et là, on ne pense plus qu'à ça. On ne la voit plus pendant 6 mois, Joël, et puis on ne voit plus qu'elle. 3 pages dans le soir, invitée ce matin. Dans Matin Première, elle parlait au bout de ce micro. J'en ai des frissons. Joël Milquet, invité pour l'ensemble de son œuvre sur Matin Première. Joël Milquet est inculpé de prise illégale d'intérêt dans le dossier des emplois fictifs. Mais ça, c'était il y a 6 mois. Aujourd'hui, elle est toujours autant inculpée, pas plus. Mais bon, voilà, c'était il y a 6 mois, quoi. C'est bon, là, elle a fini de repeindre sa maison. Elle est partie 3 mois en vacances avec la caisse noire. Enfin, avec sa Citroën berlingot noire. Enfin bon, pour le dire en un mot, après 6 mois, Joël, elle s'emmerde. Alors, il y a eu d'autres retours. Milke qui annonce son retour alors que personne ne lui demande rien. On a un peu l'impression que c'est Rocky Balboa, mais en plus amoché. C'est Mohamed Ali, mais en moins frais, qui annonce son retour. Alors, à quel moment elle se dit que la population a besoin d'elle? Comment ça peut se passer dans sa tête? C'est un petit peu la question. Il y a 6 mois, elle nous disait « J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris ma vie en haine et ma flamme en horreur. » Mais c'était il y a 6 mois. 6 mois pour Joël Milquet, c'est un acquittement, c'est une prescription, c'est une traversée du désert de 40 jours, c'est un carême. Après 6 mois, on revient tout frais, tout pur, tout honnête, tout propre. Mais 6 mois pour Joël Milquet, 6 mois, c'est une hyménoplastie. Qu'est-ce à voir? Qu'est-ce que c'est qu'une hyménoplastie? On n'a pas le temps de mettre la définition du Wikipédia. Quoi. Effectivement, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est une reconstruction de l'hymen politique. Mais ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Joël Milquet que vous ne devez pas en dégoûter les autres. Le retour de Joël Milquet, ça me choque autant que de voir un handicapé, j'ai bien dit un handicapé. Handicapé, pardon, se garer sur une place pour personnes valides. Ça, je ne supporte pas. Heureusement qu'elle revient. Quel bonheur que ce retour, un retour à la demande générale. Enfin bon, un retour quoi. D'après un récent sondage, elle récolte 7% d'opinions favorables. Donc 93% des gens ne veulent surtout pas de son retour. Alors Joël, en grande démocrate, elle revient en courant. Voltaire nous a dit « Je ne partage pas vos idées, mais je serai prêt à contracter un petit rhume pour que vous puissiez continuer à essayer de les exprimer. » Eh bien, le retour de Joël, c'est un peu ça. On ne se donnerait pas la mort pour qu'elle revienne, mais on n'a pas envie de se casser un ongle non plus. Voilà, bref, comme Churchill. Comme Churchill avait besoin d'Hitler pour donner sa pleine mesure, je me réjouis du retour de libidineuse de Troyes. Alors, merci Lourdes. Joël Milquet nous revient avec un casier vierge. Et ma chute, c'était à 15h22, mais je n'ai pas la dernière version. Elle était superbe, magnifique. Merci, Grand Accordi. Merci infiniment à vous. Vous reviendrez. Merci. À noter que la phrase de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai, etc., en fait, n'est pas de lui, c'est sa biographe qui a un petit peu compensé le truc. Voilà, c'était pour prendre des droits. C'était pour prendre des droits d'auteur. Il n'a pas vraiment dit tel quel. Un peu comme Jésus. Hein. Voilà. Très apocryphe, tout ça. Qu'est-ce que vous dire apocryphe? C'était BHL. Merci à vous de nous suivre. Nous sommes presque sérieux. On continue à s'intéresser à l'actualité. Information d'ailleurs que vous allez pouvoir retitrer après les informations de 17h concernant le retour de Joël Milquet. N'hésitez pas à le faire sur la page Facebook de l'émission. Joël Milquet qui disait dans la presse que le juge a voulu se faire une liste avant de partir. C'est ce qu'elle déclarait donc à propos de son inculpation dans les colonnes du soir, notamment aujourd'hui, et au micro de Bertrand N ce matin sur la première. On aura l'occasion de la réécouter tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à retitrer cette information. Vous ferez le même exercice, vous autour de la table. Ils sont beaux. Et ils aiment l'actualité. Corentin Candy, Mickaël Albaz, Vincent Flibustier, Raoul Reyers, Edgar Schott, ils sont là pour vous accompagner jusqu'à 17h30. Et dans la suite, eh bien, que s'est-il passé un 3 octobre? Vous voulez savoir ce qui s'est passé un 3 octobre? Ah oui. Eh bien, réponse tout de suite. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première présente au 140, Daran en concert dans le cadre du Festival Francophone. Il y a vu sur l'autoroute, il y a vu sur terrain vague. Y a vu sur nœud ferroviaire. Daran au 140, le 8 octobre, avec le soir. Y a vu d'en bas. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme les tartares de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, en Inde, comme dans d'autres pays, on vous dira jamais non de façon directe, même dans le business. On vous dira oui, oui, oui, mais. Vous comprenez? Oui? Non, vous voulez dire oui, oui ou oui, mais? Quoi? Avec Bruxelles Invest et Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Invest et Export, créateur de perspectives. La première. Mobile Info. Et à 16h43, on retrouve Pierre Collard-Bovy. Pierre, que se passe-t-il sur nos routes? Eh bien, attention, un véhicule est en panne à Bruxelles, dans le tunnel Leopold. La bande de gauche est encombrée vers la Basilique, donc soyez extrêmement attentifs. Si vous passez par la 16 minutes supplémentaires pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, 15 minutes en plus pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 14 pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Ralentissement également sur le petit ring de Charleroi, puisque la 503 vers le ring 9 de Charleroi est fermée à la circulation. Bon, j'en vais à la circulation, donc toujours en cours l'accident accident impliquant plusieurs camions sur une nationale 639 Angers-Roteux à hauteur de Neuville-en-Condreau. La chaussée est fermée, donc prenez vos précautions. Déchets de pneus sur la 12 Anvers-Bruxelles à hauteur de Meis. La voie centrale est encombrée en direction de Bruxelles et 20 minutes perdues sur le 17 Gand-Lille avec des files à partir de Halbeck en direction de la frontière française. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey, Houston, on a un problème ici. Et demain, Laurent Dossé s'intéressera au 16e président des États-Unis. Qui est Thomas Jefferson, bien sûr. Lincoln, effectivement. Oui, Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. C'est au menu d'un jour dans l'histoire et en ce lundi 3 octobre. Bien, la question que vous propose Laurent Dossey est directement liée bien à cette date. Que s'est-il passé un 3 octobre ? Question. Comme dans Koh-Lanta, un 3 octobre, nous ne fîmes plus qu'une. Que suis-je ? Alors. Référence culturelle. Alors. C'est un indice. Koh-Lanta. Nous étions 300 et bientôt... Nous ne filmons plus qu'une. De quoi s'agit-il ? Un 3 octobre. C'est la Trinité, tout ça, Jésus, non, c'est un 3 octobre. Non, pas un 3 octobre, non. C'est les audiences de la première ? Non plus, non. Nous ne filmons plus qu'une. Ah, c'est une radio qui s'est retrouvée. Non, c'est pas... Alors, pensez quand même, à un moment donné... Oui, vous savez, c'est l'épreuve des poteaux. Non, c'est deux équipes et à un moment donné... C'est la réunification, alors, c'est l'Allemagne. Et effectivement, Vincent. Ah oui. Effectivement, un 9 novembre, vous le savez, 1989, après 50 ans de partition... On est le 3 octobre. Attendez, c'était un 9 novembre. Après 50 ans de partition, on assistait donc à la chute du mur de Berlin. Tout le monde s'en souvient, ce violoniste, ce mur qui tombe. Eh bien, presque un an plus tard, dans la nuit du 22 au 23 août, le Volksmacher, le parlement de la RDA... vote une réunification qui prend en effet donc le 3 octobre 1990, une date qui est devenue depuis la fête nationale en Allemagne, baptisée le jour de l'unité allemande. Alors pourquoi le 3 octobre pour fête nationale, à votre avis ? C'est le jour de la fête de la bière. Non. Non. Parce que la date du 9 novembre, jour de la chute du mur de Berlin, avait été évoquée au départ. Tout le monde s'était dit, c'est logique, c'est normal, il faudrait que ce soit cette date. Eh bien, elle a été finalement écartée, car c'est aussi le jour de la nuit de Cristal, puisque le 9 novembre 1938, durant laquelle les forces allemandes avaient persécuté donc, la communauté juive. C'est donc le 3 octobre qui a été choisi. Une idée fausse, le mur est tombé le 9 novembre 1989, dans la nuit du 9 au 10 novembre, et dans les semaines qui ont suivi, eh bien des morceaux du mur furent enlevés à coups de marteau et de burin pour créer des points de passage. Mais il a fallu presque 2 ans pour supprimer toutes les fortifications frontalières du mur. Donc 2 ans pour... Et je connais encore quelques personnes qui ont des petits bouts de mur chez elles à la maison. Mais pas de Berlin. Non. Des murs de chez eux. Oui. On fera la même chose avec Calais. Vous imaginez ? Dans quelques années, on va construire... Après, on fera les morceaux de clôture, c'est moins gai. Ah, ça s'appelle des entrepreneurs, Walid. Oui, je sais. Bon, ça c'est pour l'histoire. Avant de s'intéresser à l'histoire, aux histoires, il tentera de nous mettre et nous mener en bateau. On va plonger nous dans l'histoire musicale, celle de 1987 avec Robert Smith. Vous connaissez Robert Smith ? Oh oui. Ah oui, leader de Cure, bien sûr. Voici Just Like Heaven, extrait de l'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Autrement dit, embrassement. Ce qui est bizarre, c'est que c'est le jour du retour de Joël Milquet. Et oui, voilà, vous le savez vous-même. C'est le officiel de... Vous casquette orange. Oui, c'est ça, Walid. Bien sûr. Il n'y a complot et ne voyez pas le mal partout. C'est pas parce que c'est le retour de Joël Milquet que nous passons au Cure. Ne voyez aucun lien pas du à cela. En attendant, n'hésitez pas à passer une belle fin d'après-midi avec nous. Nous sommes presque sérieux. Nous vous accompagnons tous les jours durant 90 minutes autour de l'actualité et avec des cadeaux que vous pouvez gagner sur la page Facebook. On vous offre le Time's Up Family. N'hésitez pas à retitrer cette information justement concernant le retour de Joël Milquet. Excellent lundi à vous, surtout à l'écoute de Cure, que voici sur la première. Just Like Heaven, c'est ce que vous écoutiez à l'instant sur la première. C'était signé Cure. Bonjour, messieurs Vincent. Vincent Flibus, il y a des histoires à vous raconter. J'en ai une petite, tiens, avant de vous écouter, Vincent. Ne prenez jamais de magnésium, de vitamine C et de vitamine D en même temps. C'est vrai qu'il est arrivé au bureau en marchant sur les mains. Ah, je vous jure, je peux m'envoler tout de suite sans problème. Ah, pas mal. C'est quoi la recette? Alors, vitamine C, vitamine D. Mais à forte dose. Magnésium. Non, non, en général, il y a des vitamines où il y a de tout dedans. Ah, maintenant, je prends des gélules séparées. C'est-à-dire magnésium tout seul, vitamine C toute seule. Et vitamine D. Vitamine D, vous pouvez en prendre toute l'année. Comme on manque de soleil dans ce pays. Oui, ça je sais. C'est ce que. À Canal, ils ont la cocaïne. Nous, on a la vitamine D. Mais je jure. J'ai pris ça. Et des moments, je me suis dit, oh purée, ça fait bizarre. Donc voilà, vous qui avez pris certainement votre petite dose de vitamine aujourd'hui. Hein. Non, c'était vraiment Joël Milquet, hein, Walid. C'était Joël Milquet, c'était elle. Je vous jure, voilà. C'est cette petite histoire que j'avais envie de partager avec nos auditeurs. Prenez des vitamines, hein, un rhume est si vite arrivé. Et en attendant, Vincent Flibussier, lui qui est justement enrhumé. Vous avez deux petites histoires à nous raconter. Je voulais, comme chaque année, vu qu'on donne pour le moment les prix Nobel, on n'a pas encore parlé cette année des Ig Nobel. Ah oui. Vous voyez, les prix offerts à des recherches absurdes et inutiles, donc formidables et indispensables. Et donc, voilà, à vous de me dire pour chaque prix lequel a vraiment été donné. Donc, pour le prix de la reproduction, parce que oui, ça existe. Est-ce que c'est l'étude des effets du port de pantalon au polyester, en coton ou en laine sur la vie sexuelle des rats et avoir conduit des tests similaires chez l'homme ou la recherche de la température optimale de reproduction des tortues importées en Antarctique? La deuxième, moi, je dirais. La deuxième. Oui, la première. Eh bien, c'est la première. C'est Ahmed Shafik, d'Égypte. Oui, mais il l'a fait aussi sur des hommes, après. Économie. Est-ce que c'est l'analyse du marché du gilet de sauvetage depuis la crise migratoire ou l'étude de la personnalité des pierres du point de vue de la vente et du marketing? Oui, la deuxième. Les pierres, la deuxième. Les pierres, je crois qu'on parle des cailloux, pas des gens qui s'appellent pierres. Oui, bien sûr. Et c'est bien la deuxième, c'est bien les pierres. Donc, toujours autour des Ig Nobel, hein, qui sont un peu le pendant des Nobel, les anti-Nobel. En physique, est-ce que c'est le calcul de l'aérodynamisme d'un cheval tondu comparé à un cheval au poil naturel ou avoir découvert que les chevaux au crin blanc étaient les moins dérangés par les mouches? La deuxième. La première. C'est la deuxième, c'est bien. Les chevaux au crin blanc sont moins dérangés par les mouches. Et on sait pourquoi ou pas? Parce qu'ils ont le crin blanc. J'ai vu que le titre. Et alors celle-ci, je vous la donne sans défi parce qu'elle est formidable. Ils ont offert le prix Ig Nobel de chimie à Volkswagen pour avoir résolu le problème de l'émission excessive de pollution des automobiles par la réduction automatique de ces émissions durant les tests. C'est un beau. Je crois pas qu'ils sont venus les chercher. En général, les scientifiques, c'est des gens qui en plus font des recherches un peu bizarres de base et viennent chercher leur prix parce qu'ils trouvent ça marrant, mais je crois pas que le Volkswagen y allait. En médecine, est-ce que c'est pour avoir réussi à greffer un pancréas à la place d'une vésicule biliaire sur un rat sans succès ou pour avoir découvert qu'il était possible de faire passer une démangeaison sur le côté gauche du corps en se regardant dans le miroir et en se grattant sur le côté droit et vice versa? La 2. Ça doit être la 2. C'est la 2. Donc il est possible, si vous vous grattez sur le côté gauche et que vous avez une démangeaison sur le côté droit, vous pouvez l'inverser grâce au pouvoir du mental. Alors, prix Nobel de la paix pour avoir proposé de régler le conflit israélo-palestinien au tennis ou pour une étude ayant pour nom la réception et la détection de la connerie pseudo-profonde. La première. La deuxième existe vraiment, j'ai lu le livre. Ah ben voilà, Harry Frankfurt. C'est bien ça, je ne retrouve pas son nom là-dedans, mais ça doit être une étude sur. Une bullshit. En biologie, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a réussi à apprendre aux guêpes à faire du miel ou pour avoir réussi à faire des prothèses de jambes pour se faire passer pour une chèvre et vivre au milieu des chèvres? La chèvre, la deuxième. C'est la chèvre, évidemment. Non. Sacré Pistorius. Littérature, est-ce que c'est le résumé de Guerre et Paix en une page ou un travail autobiographique en trois volumes traitant du plaisir à collectionner les mouches mortes et les mouches qui ne sont pas mortes? Corentin Candy, c'est ça, c'est signé Corentin Candy. C'est vous, Corentin, c'est ça. Et alors, je crois qu'il y a un Belge dans l'histoire, mais je ne le retrouve pas. Et pour la perception, c'est les Japonais. Avoir montré que la vie était plus belle lorsqu'on vivait la tête à l'envers ou une méthode pour découvrir que les choses se voient différemment lorsqu'elles sont regardées en se penchant la tête entre les jambes, ce qui est à peu près la même chose. Moi j'aurais tendance à dire l'étude japonaise, Eh bien oui, c'est... Enfin les deux étaient japonais, sauf que les deux n'existent pas, donc fatalement. Mais c'est bien, les choses se voient différemment lorsqu'elles sont regardées en se penchant la tête entre les jambes, ce qui est normal vu qu'elles sont à l'envers. Ouais. Ah, voilà, merci Vincent Fulbussier qui nous fait profiter, bien entendu, de. C'était un jingle. À noter aussi qu'il faut toujours le rappeler qu'il y a un gars dans l'histoire qui a eu le Ig Nobel et le Nobel plus tard. C'est Sir André Constantin Game qui a eu un Ig Nobel en 2000 pour avoir mis des aimants sur des grenouilles afin de les faire voler et qui a ensuite reçu un prix Nobel de physique pour son travail sur le graphène. Comme quoi, on peut faire des trucs rigolos et puis des trucs un petit peu. Mais plus surtout sérieux. Avec cet argent qu'on leur donne pour faire des études. À un moment donné, vous imaginez, on paye des chercheurs pour faire des études et le gars il se dit bon, je vais mettre des aimants sur des grenouilles pour voir si ça vole. Oui, quand il dit rigolo, mais pas pour les grenouilles. Ah non, c'est pas drôle. Hein. On ne sait pas si elles étaient vivantes. Oui. Merci Vincent pour cette information. Elles étaient encore vivantes. Allez, on poursuit cette aventure presque sérieuse. Ils sont autour de la table et relatent l'actualité de ce 3 octobre. En ce lundi, vous nous écoutez chez vous à la maison. Vous êtes peut-être sur le chemin du retour. Levez le pied, hein, puisque on le rappelle et on le rappelait ce matin depuis 6h du matin maintenant. C'est cette opération flash sur les autoroutes belges. Donc, attendez demain. Voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Donc prenez votre temps pour rentrer à la maison et prenez du temps pour bien justement rester sur la première, car dans la suite, on continuera à nous intéresser à l'actualité avec vos beaux esprits du jour. Edgar Schotz, Manu... Non. Bah si, Manu... Manu Candy. J'ai appelé Manu Candy, tiens. Corentin Candy, il y a Michael Albas, Raoul Reyers, Vincent Flibusti. Puis vous qui nous faites le plaisir d'être avec nous, rendez-vous également sur la page Facebook où vous pouvez retitrer une information sur laquelle nous reviendrons d'ici quelques minutes, juste derrière les informations de 17h. Cette information qui concerne Joël Milquet qui fait son grand retour. Mettez une petite phrase et repartez avec des cadeaux. Et dans la suite, nous font le cadeau, le plaisir d'être avec nous. Bien, c'est nos chroniqueurs du jour. Et je vous le disais, on mettra également en avant une presque star qui fait parler d'elle dans la presse aujourd'hui. Et alors, je suis très content, je vous le dis tout de suite, je suis très content de l'agence de presque du jour. L'information je retravaillée. Je peux vous dire qu'on a pris du plaisir à l'écouter et à le faire. Ce sera juste après ceci. Découvrez aussi les vérandas en aluminium de Sapa. Demandez maintenant un devis auprès d'un homme de métier à l'USAPA et gagnez une pendaison de crémaillère. Plus d'infos sur sapachassis.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Le Brabant Wallon présente le livre tout proche, à la rencontre des auteurs du Brabant Wallon. Au programme, rencontres, dédicaces et animations pour petits et grands, ce dimanche 16 octobre, de 12h à 18h, au Château de la Hulpe. Entrée gratuite au salon et à la Fondation Follon. Info, brabantwallon.be. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré, hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quels sons! Et avec plus de 8 000 € d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8 310 € d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. La première. Météo. Bonne fin de journée à tous. Cette journée marque la transition entre un week-end qui a été automnal et une suite de semaines qui sera plus calme. Mais quand même, tout doucement, on retrouve les brumes et les brouillards d'automne, comme cette nuit où il y aura pas mal de grisailles et de nuages bas, 5 à 8 degrés. Demain matin, cette grisaille sera parfois lente à se dissiper, mais demain, ça y est, le temps sera sec, le vent passe à l'est, il sera même assez gênant. Et les températures, avec de belles éclaircies, atteindront 13 à 18 degrés. On parle même de soleil nettement plus franc pour mercredi et jeudi, avec toujours ce vent d'est qui sera modéré et les maxima qui ne dépasseront pas 10 à 15 degrés. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Fédéral et entités fédérées mobilisées aux côtés des travailleurs d'ING, le groupe néerlandais a annoncé une restructuration de grande ampleur en Belgique. Un tiers des effectifs de la banque va disparaître. Les syndicats espèrent des actes et mesures concrètes du monde politique. En Colombie, les FARC se disent prêts à rectifier l'accord de paix rejeté par référendum. Un accord après plus de 50 ans de conflit qui divise les Colombiens. On verra pourquoi dans ce journal. Quelle est la situation sur les routes? On voit ça avec Pierre Collard-Bovy. Mais tout d'abord, dans Bruxelles, des ralentissements engendrés par les travaux autour de la rénovation de la porte de Ninove, de réaménagement de la porte de Ninove. Sur le ring de Bruxelles, c'est dense, mais c'est assez habituel, donc pas trop de problèmes. L'hémorragie sociale se poursuit donc. ING a annoncé la suppression de 7000 emplois d'ici 2021. Des suppressions d'emplois aux Pays-Bas, mais aussi et surtout en Belgique. La Belgique paie d'ailleurs le plus lourd tribut, 3158 pertes d'emplois, 1700 licenciements secs, la moitié des agences fermées, la filiale Record Bank tout simplement absorbée par le groupe et encore une procédure Renault de licenciement collectif engagée. Après le choc de l'annonce, les politiques se mobilisent ce soir. Le Premier ministre, Charles Michel, ainsi que le ministre de l'économie, Chris Peeters, et les vice-ministres présidents wallons, Paul Magnette, flamand, Geert Bourgeois et bruxellois, Rudy Vervoort, rencontrent en ce moment les syndicats. Les syndicats, qu'attendent-ils, eux, des pouvoirs publics? Écoutez Philippe Matzek de la CNE et Leonardo D'Antuono de la Confédération nationale des cadres. C'est à l'initiative déjà du Premier ministre, donc on va voir ce qu'il va nous dire. J'espère que, vu les cadeaux que la Belgique a fait à son entreprise, ils ont des envies de leur faire participer au moins à payer une partie de la casse sociale. Mais je reste quand même très pessimiste quant à la réelle possibilité d'intervenir de façon importante et sur le dossier. Oui, un message pour rappeler que si ING vit encore, c'est parce que l'État belge y a mis quand même pas mal de moyens après la crise de 2008, me semble un minimum. Maintenant, si l'entreprise reste sourde, je ne vois pas très bien ce qu'on peut lui faire. À chaque crash, je dirais que les politiques sont prêtes à faire tout et n'importe quoi pour les personnes qui perdent leur emploi. Ok, vous nous dites que vous êtes prête à sauver l'emploi, faites-le, prouvez-le, non pas par des mots, mais par des actes. Évitez que des multinationales fassent un peu n'importe quoi sur notre territoire et voilà, faites-le, prouvez-le. Si les édiles politiques ne mettent pas le halte là, ne nous aident pas, où allons-nous? Il est temps de se battre parce que là, ça commence à devenir assez catastrophique. Des réactions recueillies par Fabien Vanecote juste avant la réunion. Réunion toujours en cours. La banque ING n'est pas en mauvaise santé. Loin de là, d'ailleurs, pour la banque, cette restructuration est stratégique. ING se justifie. Et les services bancaires se font de plus en plus sur Internet. Les machines ont donc remplacé peu à peu les hommes. Et puis, il y a la conjoncture actuelle avec des taux d'intérêt extrêmement bas et des marges qui fondent comme neige au soleil. Les syndicats ne s'attendaient pas à des pertes d'emplois de cette ampleur. Un tiers des effectifs qui disparaissent, très remontés. Les syndicats annoncent des actions ce vendredi. Après l'annonce des licenciements chez ING, quelles sont les agences menacées de fermeture? Pas de réponse dans l'immédiat, mais celles situées près d'une agence Record Bank sont les plus exposées. C'est le cas de l'agence ING Plaskem à Watermael-Boisfort. Moins de 100 mètres séparent les deux agences. L'agence ING pourrait donc disparaître bientôt, Patrick Michal. C'est en tout cas la crainte des clients, même si aujourd'hui l'activité de l'agence semblait quasi normale. Dans le quartier, beaucoup de clients fréquentent l'agence depuis plus de 20 ans. Mais on connaît les personnes aussi qui travaillent là, donc on travaille en confiance. Donc c'est vrai que quand on entend ce genre de nouvelles, on espère que ce ne sera pas eux qui seront sélectionnés pour être virés, puisque c'est de ça qu'on parle. Hein. Et comme beaucoup de clients fidélisés, bien les enfants ont suivi les parents. Ma fille, elle a eu son petit compte quand elle était bébé, et puis là, elle a 18 ans, donc elle vient d'ouvrir un compte, et on a fait le nécessaire pour justement que j'ai quand même un mandat. Tous utilisent les services bancaires à domicile, mais pour eux, le contact humain est complémentaire. Là, par exemple, la procuration pour ma fille, il fallait impérativement qu'elle soit là en personne, qu'il y ait quelqu'un qui témoigne que moi, je sois aussi là, qu'on signe ensemble. Donc, effectivement, de temps en temps, on a quand même besoin d'avoir un contact humain et la machine ne peut pas tout faire. Quoi. Et parmi les personnes présentes à l'agence, cet ancien employé de la BBL, devenu ING, elle a passé 30 ans au siège central. Aujourd'hui, elle est venue apporter son soutien aux employés de l'agence. Aujourd'hui, je suis venue dire que j'étais très triste pour eux. Et pour moi, ça me fait aussi de l'effet, vous savez. Je savais qu'il allait y avoir des restrictions, mais pas autant. Du côté des membres du personnel, les employés présents n'ont pas souhaité s'exprimer. Trop tôt, nous ont-ils dit, ils n'ont reçu à ce stade aucune information à propos du sort qui sera réservé à l'agence. ING, qui est un groupe néerlandais qui a longtemps été une banque belge, la BBL. Les plus anciens se souviennent de la Banque de Bruxelles ou même de la Banque Lambert. Petit historique avec Françoise Berlémont. Au début, il y avait la Banque de Bruxelles. C'était en 1871, la Belgique était encore un jeune État. 50 ans plus tard, en 1926, le baron Henri Lambert fonde la Banque Lambert. Et chacune vit sa vie. Dans les années 70, les deux banques, trop petites, décident de fusionner. Ainsi naît en 1975 la BBL, la Banque Bruxelles-Lambert, la deuxième banque du pays. En 1991, le groupe néerlandais ING tente une OPA, sans succès. Plusieurs banques, dont le Crédit Communal ou la Société Générale de Banque, tentent de créer une grande banque belge. Christophe Gourtals, chercheur au CRISP. Et ces tentatives vont échouer après de nombreuses tractations. Et en 1997, alors, ces actionnaires se sont résolus à vendre leur participation au groupe ING, groupe Batav à l'époque, qui prendra le contrôle entier de cette filiale, qui deviendra filiale du groupe ING. En 2003, exit la BBL, le lion orange d'ING s'impose définitivement. Le groupe hollandais devient la deuxième banque de détail mondiale. Arrive 2008 et la crise financière. ING appelle à l'aide l'État néerlandais qui injecte 10 milliards d'euros à condition que la banque se débarrasse d'une série d'activités. Évocation signée Françoise Berlémont. Dans l'actualité de ce lundi également, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a bouclé son projet de budget 2017. Le gouvernement réduit encore son déficit budgétaire, 200 millions d'euros contre 264 l'année dernière, mais il n'y aura pas de retour à l'équilibre en 2018 comme le prévoyait la trajectoire budgétaire. Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC restent déterminés à mettre fin au conflit armé qui déchire le pays depuis un demi-siècle. Et cela en dépit du rejet surprise par la population de l'accord de paix qu'ils ont noué. L'accord a été rejeté par référendum hier. 50,21% des votants contre, 49,78% pour le oui. Aujourd'hui, la guérilla marxiste se dit prête à rectifier l'accord de paix rejeté. Beaucoup de Colombiens n'ont pas accepté certains point des accords de paix, notamment celui sur la participation politique des ex-guerrilleros. Medellin, par exemple, a voté non à 62%. Notre correspondante Najet Benrabah a essayé de comprendre le sens de ce vote. Les Colombiens ne disent pas non à la paix, mais plutôt aux conditions dans lesquelles elle a été négociée. Beaucoup considèrent que les accords sont trop favorables aux FARC et demandent justice pour les crimes, comme Alejandra Hernandez, une jeune enseignante d'anglais. J'ai fait partie de ceux qui ont voté non. Pourquoi ? Parce que mon père a été séquestré il y a 15 ans et les accords négociés ne me paraissent pas justes. J'espère que les accords vont être améliorés et qu'ils offriront de meilleures possibilités à tous les Colombiens. Ivan Montero est commercial. Il est opposé aux accords depuis le début, mais il a voté oui pour donner une chance au pays. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut réétudier le contenu des accords. Mais c'était aussi l'occasion de donner l'opportunité de s'en sortir aux habitants des zones rurales où le conflit armé a eu lieu et où ils sont forcés ou ont été forcés d'aller à la guerre. Pour moi, j'ai dit oui pour donner la chance à ces personnes de trouver la paix. Les campagnes de mobilisation se poursuivent. Le président Santos s'est également engagé à se battre pour la paix jusqu'à la fin de son mandat. Les FARC se disent prêts à en faire autant et à utiliser, je cite, « uniquement les mots comme armes pour construire le futur ». Un reportage de notre correspondante en Colombie. Il est tout juste 17h09. Très belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Où est la plus grande foire au vin de Belgique ? Chez Cora ! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. Walid, c'est à vous, tout le monde est là. Je viens d'apprendre une nouvelle. Quelle nouvelle ? Kim Kardashian qui se fait braquer. Et vous apprenez ça maintenant ? Ben oui, mais moi j'étais un peu déconnecté de l'actualité people. Vous savez, moi c'est l'information sérieuse qui m'intéresse. Tout le monde ne parle que de ça en oui, France. Ben aujourd'hui, ben en Belgique on parle de Joël Miquet, c'est autre chose. D'ailleurs on va en parler tout de suite, c'est parti. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Et oui, effectivement, hein, une mésaventure pour Kim Kardashian à Paris. Elle s'est fait voler pour 9 millions d'euros de bijoux. Dont et on cherche encore 4 le millions. Cerveau de l'opération. Ah, ça, c'est... Les braqueurs vont pouvoir en tout cas s'acheter un iPhone 7 maintenant avec ça. C'est rien que ça. Et c'est dans un hôtel un peu privé. Oui, son hôtel à elle. Alors, je vais regarder attentivement, tiens, eBay et deuxièmemain.be. On sait jamais, on peut tomber sur des bonnes affaires. C'est peut-être une arnaque à l'assurance. C'est l'hôtel de Paris Hilton, il y a complot. On ne sait pas. En attendant, eh bien, on relate l'actualité de ce 3 octobre avec vous. Merci en tout cas de nous accompagner durant cette dernière ligne droite avant de retrouver Soir Première et Arnaud Roysen. Ils sont là pour relater l'actualité de ce lundi où que vous soyez. Merci d'être presque sérieux comme le sont bien nos chroniqueurs du jour avec Edgar Schatz. Bonjour. Bonjour Walid. On parlera bien d'un désastre, celui qui touche ING. On en parlera avec vous tout à l'heure. Il y a Mickaël Elbaz autour de cette table. Bonjour Walid. Corentin Candy. Bonjour Walid, comment allez-vous? Eh bien écoutez, ravi de vous avoir avec nous, Corentin. Vincent Flibussier, des nôtres également. Raoul Reyers est là aussi. Presque malade. Oh Raoul, ça va aller. Vous allez me filer des vitamines. On va faire une édition spéciale, c'est presque fièvreux. Ah ouais. Non, mais c'est clair que voilà, il faut prendre des vitamines. Raoul, Je prends des vitamines. Ouais, vitamine D toute l'année. C'est vrai. Ah oui, très important. Ouais. Vous êtes beaucoup de raisins. Allez, nous sommes presque sérieux. Et on s'intéresse à bâtir l'actualité du jour une des unes en Belgique. Le retour de Joël Miquet. C'est presque sérieux. Sur la première. Nous aurons une presque star avec nous d'ici quelques minutes. On triturera un peu l'actualité et l'information avec de vraies bougies à l'intérieur. Mais tout ce que vous allez entendre dans un instant est complètement faux. L'agence de presse qui se prépare. Mais avant cela, eh bien revenons sur bien la députée bruxelloise et ex-présidente du CDH, Joëlle Milquet, qui était l'invitée de Matin Première aujourd'hui, ce matin, après 6 mois passés en dehors du paysage médiatique. En avril dernier, souvenez-vous, elle avait démissionné de son poste de ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Rappelons qu'elle est soupçonnée par la justice d'avoir engagé donc des membres de son personnel pour participer à sa campagne électorale de 2014. Ex-ministre toujours inculpé qui continue d'affirmer qu'elle n'a rien fait de mal et avoir toujours travaillé de manière désintéressée. Selon elle, on lui reproche des choses qui sont complètement légales en interprétant de manière erronée le code pénal. Elle déclare, je cite, de point ouvrir les guillemets, le juge a voulu se faire une ministre avant de partir. Moi je dis que la métaphore est digne d'un beau, d'un film romantique. En attendant, comment vous pourriez relater et retitrer cette information, petit tour de table, avant de voir un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mickaël Elbaz. Milquet se donne le feu vert pour repasser à l'orange. Ah, c'est bien, c'est aujourd'hui c'est lundi, on doit lever le pied sur la route, donc c'est pas mal. Voilà. Ah, vert, orange, bien sûr. On attend la couleur rouge. On va demander à Corentin Candy. Eh bien, pardon déjà, mais... Merci, c'est bien, ça tient bien, ça. Le titre, c'était « Le juge ne voulait pas être le seul ». Raoul Reyers, cette information, Joël Milquet, le retour. Ben, j'avais ça plus ou moins la même chose que Mickaël, évidemment. C'est vrai que Joël a toujours été un peu orange aussi, même dans la figure. Fond de teint oblige. On va demander à Vincent Flibussier. Saint-Michel, priez pour nous. Parce que Saint-Michel, c'est celui qui a terrassé l'archange. Bien sûr. Alors, il est devenu le plus grand des anges. Bien sûr. Edgar Schatz, pour vous. Pardon aussi. Hein. On m'a déjà inculpé, mais jamais par derrière. Ça ne saurait tarder. C'est pas mal. Radicalisé, on dit, le juge a expliqué qu'on lui avait proposé 72 casiers vierges au paradis des magistrats pour qu'ils consentent un tel acte de désespoir. Elle aurait ajouté, il voulait ferrer un gros poisson en tant que dauphine de Rudy Dumotte. J'étais la victime idéale. Et un gros poisson à qui confond les dauphins, c'est bien. Voilà. C'est ce qu'on dit sur... Ça n'est pas que Rudy roulait en dauphine, moi. Milquet revient soirée dans au Delphinarium, c'est ce qu'on nous dit. Il y a pas mal de petits titres qui arrivent comme ça sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à nous proposer un de vos titres sur la page Facebook et vous repartirez bien entendu avec des petits cadeaux. En attendant, petit cadeau que nous vous offrons. Ah, ça prend du temps à le faire, hein, mais on prend deux du jours plaisir en à l'écouter. Salut-vous. C'est l'agence de presse, autrement dit, de vrais extraits à l'intérieur de JT. Mais attention, on ne le répétera jamais assez. Tout ce que vous allez entendre tout de suite est complètement faux. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. La proposition est plutôt surprenante. La ville de Rotterdam aux Pays-Bas souhaite imposer la contraception au ministre Theresa May, qu'elle juge incompétente. La Grande-Bretagne se verrait alors imposer un stérilet pendant 3 ans. Le nouveau président philippin serait drogué par des témoins de Jéhovah. Explication par Adolf Hitler. Vincent Van Gogh aurait tenté de se fournir en armes chez ING. Un bébé panda devra décider d'un possible mandat d'arrêt. Angela Merkel aurait commis 200 délits de fuite entre Oulart et Waterloo. Décision a été prise de fermer l'autoroute. Poursuivre un secret qui n'en est plus un, Bachar al-Assad n'est plus ce qu'il était, il est devenu chinois, il s'appellera Tian Bao. Voilà pour ce dossier, un mot aussi de ce traditionnel appel à la générosité, l'opération Inami 48 est lancée. Puis aujourd'hui, des centaines de bénévoles sillonnent la Wallonie et Bruxelles pour vous proposer drogue ou tueur à gages. N'hésitez pas, l'argent récolté va directement dans un auditoire de médecine. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Ah oui, parfois l'information, quand elle est vue comme ça, oui. c'est tout autre chose. C'est clair. Et tiens, une presque star, vous le savez, dans cette émission, nous mettons en avant des gens qui font parler d'eux dans la presse. Si vous en connaissez autour de vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir par mail presque@rtbf.be ou sur la page Facebook directement de l'émission. C'est le cas d'Alban qui est avec nous. Bonjour Alban. Bonjour Walid. Alors vous venez de Wavre et c'est la seule indication que je donnerai à nos chroniqueurs. Pourquoi on parle d'Alban, dans la presse du jour ? Eh bien, vous allez le découvrir dans quelques minutes. Le temps pour vous de me poser une série de questions. C'est parti. Est-ce qu'il est docteur ? Docteur Alban ? Bien sûr que non. Est-ce que c'est parce qu'il souhaite changer de prénom ? Non plus. Alban. On parle de lui à Wavre et dans la presse. C'est le seul Alban du Brabant wallon. Non. De Wallonie. Non plus. On arrête avec le prénom maintenant. On va passer à autre chose. Alors, je peux vous donner quelques indices. Oui, le premier, le voici. Voilà, c'était un indice. Il s'est coincé un doigt dans une porte. C'est Carla Bruni qui chantait ça. Non. C'est un oiseau qu'on a entendu. C'est un oiseau particulier, effectivement. C'est un aigle. Donc Alban est un drôle d'oiseau. Grave. Alors, c'est un faucon. Ah. Okay. Enfin l'oiseau, je veux dire. Et il a fait un nid pour les faucons. Non, il n'y a pas fait un nid pour les faucons. Bah, il chasse avec des faucons. Mais il chasse quoi ? Les musaraignes. Non, il chasse autre chose. Les lièvres. Non plus. Les migrants. Un animal. Il chasse la grue. Non plus. Il chasse. En général, la chasse, c'est plutôt des vrais cons. Hein. Non. Oui, mais alors la chasse, c'est quoi ? Il chasse quoi avec les électeurs son faucon du CDH ? Non plus. Il n'y en a plus. Non, alors, de quoi parle-t-on ? Les taupes. Non. Qu'est-ce qu'il y a en recrudescence ? Les pigeons, Vincent Phibus, effectivement, bien joué. C'est bien. Alban va nous expliquer. Les pigeons pullulent à Wavre et un petit peu partout dans notre royaume, aux grandes dames des riverains et commerçants, fiantes et dégradations des bâtiments. D'où est venue cette idée, Alban, de chasser avec Wall Street ? Wall Street qui est d'ailleurs votre faucon. Effectivement. Beaucoup de vrais cons à Wall Street. Ouais. Il ne s'écrase pas trop souvent. Est en fait une buse de Harry. D'accord. Voilà, donc pour comparer avec un faucon, on compare une Formule 1 et une voiture de rallye. Ce sont toutes les deux des voitures très performantes, mais fatalement sur un revêtement totalement différent. D'accord. Alors, l'idée de prendre un rapace pour aller chasser les pigeons, que ce soit dans la ville de Wavre ou d'autres sites, aussi divers soient-ils, eh bien c'est très simple. C'était l'idée d'utiliser un moyen naturel contre les pigeons qui étaient devenus nuisibles par leur nombre devenu trop important. Ça existe notamment pendant les matchs à Wimbledon, si je ne dis pas de bêtises. Ça existe notamment pour les matchs à Wimbledon et sur bien d'autres sites également, absolument. Voilà, et votre rapace, lui, a notamment servi au premier wing de Beauvechain, afin d'inviter les Bird Strikes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Bird Strikes ? Alors, le Bird Strikes, c'est en fait effaroucher, donc faire peur à tout ce qui est oiseau le long des pistes d'aéroport pour éviter ce qu'on appelle en français la collision aviaire, éviter que des oiseaux ne rentrent dans les réacteurs et ne provoquent fatalement des dégâts matériels et humains trop importants. Alors on est bien d'accord, effaroucher et pas tuer, hein, donc il n'est pas dressé à tuer les pigeons, il va juste leur faire peur. Effaroucher n'est pas tuer les pigeons. C'est imposer aux pigeons une présence trop importante d'un rapace, anormalement même importante d'un rapace, sur un point bien déterminé, ce qui va poser en fait comme conséquence de créer une ambiance telle que les pigeons n'ont qu'une envie, c'est partir ailleurs, voir s'ils n'y sont pas mieux. Alors dernière question, la technique, comment est-ce qu'on pratique la chasse aux pigeons ? Eh bien, comment est-ce qu'on pratique la chasse aux pigeons ? C'est pas compliqué, ce n'est pas vraiment de la chasse. C'est lâcher un prédateur naturel auprès d'une population de pigeons qui va poser un problème, comme je le disais. Les pigeons de Wavre voient des prédateurs naturels partout tous les jours. Oui, c'est ça. Partout, ils en voient. Mais bon, ils restent toujours là. Pourquoi ? Parce que le prédateur naturel du sommet de sa pyramide alimentaire gère son garde-manger. Donc, nous savons que les rapaces ont des territoires relativement importants. Ils vont un jour à l'est, à l'ouest, au nord, avec toutes les variantes, à des distances très différentes. Ici, ce que nous faisons voler systématiquement un rapace au même endroit. Ah ok, d'accord. Ce qui ne sont pas des conditions normales. Et fatalement, ce qui crée, comme je le disais, un climat d'insécurité pour les pigeons. On peut dire ça comme ça. Voilà. Mais tant que Charles Michel reste à Wavre, il n'y a pas un risque que les pigeons reviennent ? Il y a tout. On ne change pas les habitudes des pigeons du jour au lendemain dans un sens, fatalement. On ne changera pas les habitudes des pigeons non plus dans l'autre sens. Eh bien, écoutez, bon, voilà, merci Alban, vous étiez notre presque star du jour. On mettra les informations concernant votre activité de fauconnier sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première, lapremière.be. On poursuit, nous, cette aventure presque sérieuse autour de l'actualité. Et on va parler d'une catastrophe qui est survenue aujourd'hui. Toute la presse en parle. On parle d'ING, de banque, dans la suite avec Edgar Schotz. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est presque sérieux sur la première. Demandez un devis pour vos portes et fenêtres auprès d'un homme de métier à l'USAPA et gagnez une pendaison de crémaillère. Inscrivez-vous sur sapachassis.be. L'aluminium, c'est notre métier. Du 3 au 22 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la plaque de plâtre 2,60 m, 2 bords amincis, épaisseur 9,5 mm, est à 2,39 euros le mètre carré. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. 2,39 euros le mètre carré, soit 3,73 euros la plaque largeur 60 cm, 7,46 euros largeur 120 cm. Et si ce week-end, on prenait un bon petit déjeuner ? Oh, bonne idée ! Oxfam Magasin du Monde organise plus de 200 petits déjeuners gourmands et équitables. Ah bon, quand ça ? Ce week-end, le 8 et 9 octobre. C'est l'occasion de déguster d'excellents produits d'ici et d'ailleurs. Et comment faire pour trouver le petit déjeuner le plus proche de chez moi ? Tu vas sur petitdejeuneroxfam.be. Super ! À ce week-end ! Avec Oxfam, les alternatives existent. Cultivons-les. Non mais tu l'entends l'autre là ? Il fait que rigoler ! Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Nouveau, Comiakasa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalles pancetta formaggio. Comiakasa ! Apportez un peu de chaleur. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture ? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Drogon Boss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie, plus 3 ans de garouage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Drogon Boss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. La première, Mobile Info. À 17h23, retrouvons Pierre Collard-Bovy. Que se passe-t-il sur nos routes, mon Pierre ? Eh bien, des ralentissements. J'en ai parlé, travaux sur le 42 Mons-Liège, suite à la fermeture dont on parle depuis un petit temps maintenant, de la bretelle de l'échangeur de Dossou, E411 Namur, E42 Mons vers Liège. Donc, c'est entre Dossou et Marchevlette qu'il y a des soucis, des ralentissements. En tout cas, qui met en panne sur le 411 Namur-Luxembourg à hauteur de l'église. C'est en direction de Luxembourg. Attention à ces ralentissements également sur le 17 Ganly en direction de la France. Il y a des files à partir d'Albeck, vous perdez 20 minutes. Et puis, gros embarras de circulation suite à la fermeture de la chaussée de Ninove en fonction des travaux de réaménagement de la porte de Ninove à Bruxelles. Ça coince pas mal. Sur le ring de Bruxelles, 16 minutes supplémentaires pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 14 pour l'intérieur Grand Billard Zaventem, plus 11 pour l'extérieur Zaventem Grand Billard, ce qui veut dire que c'est relativement calme sur le ring de Bruxelles. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jet Air devient TUI. Discover your smile. Un problème. problème sur la route, signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Pardon, monsieur, je cherche la gare. Mais ça, c'est tout simple. Vous voyez la rue du commerce équitable? Oui. Bon, vous la suivez, et après 100 mètres, vous prenez le boulevard du Juste Salaire. Ah, des Justes Salaires, oui. Et ensuite, vous tournez à gauche sur l'avenue du Respect de l'Agriculteur. Ah, ben c'est pas si loin, ça, finalement. Merci. Vous en prie. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la Semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Avec la première. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Du second degré, une prise de distance par rapport à l'actualité de ce lundi et de tous les jours d'ailleurs. N'hésitez pas à être presque sérieux, c'est notre état d'esprit. Et on parle justement de l'actu du jour à l'issue du conseil d'entreprise de ce matin. Bien, la banque ING a annoncé qu'elle allait se séparer de 3518 travailleurs dans les 5 ans. Un nouveau cataclysme social et une nouvelle épine dans le pied du gouvernement Michel sur lequel bien, vous revenez, Edgar Schotz. Oui, épine dans le pied, vous êtes encore gentil. À ce niveau, c'est plus une épine, c'est carrément tout le sapin de Noël qu'il a dans le panard, le gouvernement Michel. Même si les boules, ce sont surtout les travailleurs qui les ont. Bon, pour tout vous dire, je comptais en fait vous parler de Joël Milquet, mais comme le sujet a été préempté par Corentin Candy, me voilà donc contraint de me rabattre sur la deuxième catastrophe de la journée. Je ne m'attarderai donc pas sur les étranges ressemblances chromatiques entre les logos d'ING et du CDH. Vous avez vu, ce sont quasiment les mêmes couleurs, une espèce d'orange Donald Trump qui fait mal aux yeux. Et dans le cas de Joël, même mal aux oreilles. N'empêche, c'est vraiment dommage qu'elle revienne en politique, Joël, parce que moi, je trouve qu'elle aurait parfaitement eu sa place dans notre équipe de chroniqueurs, qui manque d'ailleurs gravement de chroniqueuses. Mmh. Non, mais je rigole pas, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle fait absolument tout comme Vincent Filbustier. Un jour, elle annonce qu'elle arrête tout, le lendemain, elle dit qu'elle revient en force, et entre-temps, elle raconte n'importe quoi, mais il y a quand même encore des gens pour la croire. Mais je m'éloigne du sujet. Le patron d'ING, Rick Vandenberg, donc, s'est fendu d'un communiqué de presse. Alors, je pense qu'il aurait pu nous consulter pour le retitrer, puisque le titre c'est ING Belgique, virgule, intention de mener une transformation fondamentale, deux points, des services encore plus simples, encore plus de conseils, une offre digitale innovante, virgule, des conseils spécialisés accessibles et de qualité. Mmh. Ça c'est le titre du communiqué de presse. C'est qu'après deux pages de bullshit néo-marketing du même acabit, qu'au détour d'une phrase, le dit communiqué annonce, ah oui d'ailleurs j'allais oublier, on va virer 3500 personnes. Oh, 3158. 3518. Ah oui, 3518, c'est énorme. 1700 en fait. Tout augmente. J'avais parlé de 4000. Hein. Ouais. Et alors, le patron d'ING explique aussi que son modèle d'entreprise pour sa banque, c'est Spotify, la plateforme musicale en ligne. Alors, ceux qui sont familiers du fonctionnement de Spotify ne peuvent que se poser, je pense, la même question que moi. Est-ce qu'on va devoir se coltiner des pubs pour Neckermann avant d'effectuer un virement sur le PC banking? Je vous jure que... Par ailleurs, qu'est-ce que je disais? Oui, le communiqué est tellement mal écrit qu'à mon avis, il a été traduit par Google Translate. Alors vous allez me dire, c'est normal, hein, ils n'arrêtent pas d'invoquer la digitalisation de l'économie. On voit qu'ils ont déjà mis en application cette digitalisation en remplaçant les traducteurs par des machines. Sauf que digital, ça vient du latin digitus, comme vous le savez, qui veut dire le doigt. Et que franchement, ce communiqué, j'ai plutôt l'impression qu'il a été écrit avec les pieds. D'ailleurs, il a beaucoup écrit ce week-end, Rick Vandenberg, puisqu'il s'est également fendu d'une lettre adressée aux travailleurs d'ING Belgique, lettre qui commence par « Chers collègues », ça aurait été plus honnête de commencer par « Chers futurs ex-collègues ». Bon, je vous passe le contenu, mais en gros, ça peut se résumer comme ça. Rick Vandenberg a certes le cœur qui saigne, mais il a surtout le portefeuille qui gratte. Edgar Schotz, une chronique à l'actualité qui a été revisitée par vos chroniqueurs du jour. Merci en tout cas à vous d'avoir passé cette fin d'après-midi avec nous. Nous continuons bien à être presque sérieux demain dès 16h. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission et sur le site de La Première ou sur le rtbf.be/ovio pour podcaster l'émission du jour. Merci Edgar Schotz. Merci Mickaël Elbaz. Merci à vous. Merci Corentin Candy. Merci beaucoup, Vincent Flibussier. Merci Raoul Reyes. Merci à vous d'être bien comme nous chaque jour presque sérieux. Un état d'esprit du second degré, l'amour du rire et de la bonne humeur, la joie de vivre que nous partagerons avec vous durant 90 minutes demain, dès 16h sur La Première. Tout de suite, Arnaud Roysen et Soir Première. Ça se passe sur La Première. Tout à l'heure, à 20h, Le Monde est un village. Pas de composition ce soir dans Le Monde est un village, mais des airs traditionnels qui ont été repris par des musiciens pour leur insuffler une nouvelle jeunesse. La tradition, en l'occurrence, ce sera du tout bon. Rendez-vous à 20h. Le Monde est un village. De 20h à 21h sur La Première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanet, c'est samedi 1er et lundi 3 octobre, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison.